En Corée du Sud, selon Yonhap News, les moyens d'attaque comme hélicoptères et tanks de la 2e division américaine en Corée du Sud, de la 1ère brigade aérienne et de la 3e brigade blindée de l'armée de terre sud-coréenne sont mobilisés le 22 au simulacre d'attaque première contre la République populaire démocratique de Corée dans le champ de tir à Yangpyeong, province du Gyeonggi.